26e chapitre. La révélation. À peine le vieillard, qui connaissait parfaitement bien les êtres du château, se fut-il aperçu qu'il venait d'entrer dans un des appartements, qu'il se découvrit de nouveau. « Allons, vieil Hervéique, mets-toi dans ce fauteuil, » dit le baron en faisant asseoir l'aveugle. « Maintenant, parle avec confiance. Que veux-tu de moi? Viens-tu réclamer la pension que plusieurs fois je proposais de te faire et que jusqu'à présent... tu as toujours refusé? Avec elle, tu n'aurais plus besoin de courir les foires et les assemblées pour vendre tes balades, et tu pourrais demeurer tranquille dans ta chaumière avec ton vieux chien. Il est temps enfin de te reposer, car tu es trop âgé pour continuer cette vie fatigante à laquelle la raison t'ordonne de renoncer. L'homme a besoin de repos, et songes-y bien, tu es arrivé au terme de ta course sur cette terre. Tu dois donc cesser tes excursions lointaines. Mais comme tu aimes à composer des guerres et des complaintes, eh bien, tu en feras toujours, et tu les vendras à d'autres qui iront les chanter et les répandre au loin. « Non, monseigneur, répartit le vieillard, ce n'est pas là le motif qui m'amène devant vous. Je vous remercie mille fois de vos bontés et de vos offres bienveillantes, mais je refuse votre proposition et ne puis l'accepter, car si je changeais de genre de vie, si je restais enfermé dans ma chaumière comme vous me le conseillez, j'aurais bientôt quitté ce monde que j'aime encore, malgré l'infirmité qui me prive de tant de jouissances et de tant de bonheur. Il me faut, voyez-vous, l'air libre des champs, le bruit de la foule, les clameurs des foires et des assemblées. C'est là seulement que je suis content, que je vis, que je respire. Oui, quand assis à l'ombre d'un vieux chêne et mon chien à mes côtés, je chante mes guerres et mes balades à la foule qui m'entoure et m'écoute, je le répète, je me sens vraiment heureux. M'arracher à cette existence, me proposer une vie oisive et paisible, ce serait me faire mourir. » L'émotion de l'aveugle fut si vive en prononçant ces paroles que deux grosses larmes s'échappèrent de ses paupières fermées et coulèrent le long de ses joues flétries. « Que me veux-tu donc alors, mon pauvre Hervéique ? » lui demanda le baron avec sollicitude. « Rien, monseigneur. Je pourrais vous demander votre amitié si 20 fois, en diverses occasions, vous ne m'aviez prouvé l'affection que vous avez pour moi. Je n'ai donc rien à solliciter de votre bonté. Maintenant, je reviens au motif qui m'amène, et le voici. » Alors le vieillard se mit à raconter tout au long la rencontre qu'il avait faite le lendemain des noces de Dugranec. Il termina en disant qu'il était bien certain que celui qu'il avait menacé n'était autre que La Fontenelle. « Oui, monseigneur, je n'ai pu me tromper, » s'écria-t-il. « Je me suis rappelé le son de sa voix, et comme je connaissais sa haine pour Monsieur Dugranec, j'ai compris sa colère. Un instant après cette aventure, j'appris de plusieurs paysans que je rencontrais que les deux cavaliers en question avaient tourné bride et qu'ils avaient pris un chemin opposé à Beaumanoir. « Mais pourquoi donc, Hervéique ? » demanda le baron. « Ne m'as-tu pas plutôt averti de cet événement ?»« C'est parce que, monseigneur, j'ai cru ne devoir vous en informer qu'après le départ des nouveaux mariés. Je n'avais oublié ni le massacre de Plogastel, ni Quimper, ni les autres affaires où votre frère s'est trouvé aux prises avec Dugranec. Je devais donc craindre que celui-ci n'apprît ce qui m'était arrivé. En un mot, j'appréhendais un combat singulier entre eux. Et j'avais peur que le jeune Pratmaria ne partît sur le champ de chez vous pour rejoindre son ennemi. Comme j'avais l'assurance que Guéder avait rebroussé chemin, je pensais que pour le moment je pouvais garder le silence. « C'est bien, Hervéique, je te remercie. Tu as agi sagement, » dit le baron. « Maintenant tu peux te retirer. » En disant ces mots, Beaumanoir, après avoir mis une pièce d'or dans la main de l'aveugle, le congédia. Hervéique ne se retira qu'après avoir souhaité toutes sortes de bonheur à Amaury. Celui-ci, tout agité de la nouvelle qu'il venait d'apprendre, demeura pendant quelque temps les yeux fixés sur le vieux pauvre qui traversait la cour d'un pas presque aussi assuré que s'il n'eût pas été privé de la vue. Il ne se retira de la fenêtre que lorsqu'il eut vu l'aveugle franchir le seuil du château. « Oui, s'écria-t-il alors tout ému, c'était bien La Fontenelle. » Il venait solliciter son pardon. Mais remercions Dieu mille fois que Hervéique l'ait arrêté dans sa route, car nous eussions été tout aussi impuissants à empêcher un meurtre ou un combat qu'à réconcilier ensemble Guéder et Dugranec. En proie à une foule de pensées étranges, tantôt le baron formait le projet de se rendre à l'île Tristan, tantôt il songeait à écrire à son frère pour l'inviter à venir faire sa paix avec lui. Et soudain, s'exaltant de plus en plus et oubliant son passé, il se plaisait à se le figurer en sa présence. Bientôt, comme s'il eût été sous le coup d'une hallucination, en regardant un des portraits de ses ancêtres qui tapissaient la salle, il lui sembla que cette image, qui, du reste, avait une grande ressemblance avec la fontenelle, se détachait du cadre et s'élançait vers lui en lui tendant les bras. Amaury, entièrement fasciné, resta immobile, paraissant attendre l'étreinte de son frère, jusqu'au moment où il fut rappelé à la réalité par l'arrivée de l'un de ses serviteurs qui vint lui remettre une lettre. Quand il fut seul et que son émotion fut dissipée, il tressaillit en reconnaissant l'écriture de la fontenelle. Le partisan lui mandait qu'il s'était mis en route pour venir le voir, mais qu'il avait rebroussé chemin en apprenant le séjour de Dugranec à Beaumanoir. Il lui annonçait encore que, quelques jours après sa rentrée à Douarnenez, succombant sous le poids de l'ennui, il était parti pour Saint-Malo, où il avait été rejoindre Marie de Mézarnoux, qu'il avait épousée. « Mon cher Amaury, disait-il en terminant, « depuis longtemps j'aspirais au moment de revoir ma jolie cousine, que j'ai retrouvée plus belle que jamais. À l'heure où je vous écris, un prêtre a béni notre union. Demain, je pars avec elle. Nous avons tous deux formé le projet d'aller habiter le manoir de Coidélan, dont elle a hérité de son père. Désormais, je ne compte rester dans mon fort que le moins de temps possible. Après avoir été roi de Douarnenez, croyez-vous qu'on puisse se faire à l'idée de n'être plus qu'un simple capitaine ? Adieu, je vous attends à Coidélan. » Cette nouvelle causa une grande surprise au baron. Il se persuada que son frère voulait sans doute faire oublier la perfidie dont il avait usé avec la famille Mézarnoux, et alors il fit des vœux pour que cette union fût heureuse et pour que le séjour de Guéder à Coidélan effaça le temps où il était resté dans l'île Tristan.